jeune marin songe tendrement. Sa pensée s'envole au loin sur l'océan. Un souvenir charmeur vient captiver son cœur. Alors à l'étoile du soir, il dit tout vibrant l'espoir, la brise m'apporte un chant d'amour de mon pays, et je rêve ébloui à mon beau ciel d'Hawaï, au bord du rivage, je vois ma Luana chérie, elle m'attend ravie sous mon beau ciel d'Hawaï. Combien je l'aime, c'est mon bonheur suprême. Un soir d'été, on s'est donné dans un baiser. La brise m'apporte un peu d'amour de mon pays, et je me sens repris par mon beau ciel d'Hawaï. Le soir, la même étoile, ils ont juré de communier par la pensée. Au bord du rivage, sa Luana l'attend ravie. Ils vont bientôt s'unir sous le beau ciel d'Hawaï. Ah.